9h-3, François Morel, c'est à vous. Le chroniqueur est démuni, il cherche une idée, il ne peut pas se résoudre à ne pas être fidèle au poste, en l'occurrence à son rendez-vous du vendredi matin, mais il est perplexe. Une nouvelle chronique post-attentat, pour dire quoi, pour répéter quoi? La compassion, l'amitié pour tous ces Belges qui nous sont si précieux, l'effroi, la colère, la nécessité de ne pas céder à la peur, bien sûr. Le chroniqueur est un peu perdu, tellement embarrassé qu'il parle de lui à la troisième personne. Il semblerait qu'il soit fatigué. Il devrait prendre ses gouttes. Le chroniqueur préférerait le silence parce qu'il se dit que parfois, le mieux serait de se taire. Mais c'est impossible de se taire à la radio. Comment voulez-vous? Impossible de se taire dans un média. Mercredi, tandis qu'à Bruxelles, une minute de silence était organisée en hommage aux victimes, tous les correspondants de toutes les radios, de toutes les télés du monde perturbaient le silence de la minute pour dire l'émotion, la tristesse, le recueillement. Comment être ému, triste, recueilli, quand on est occupé à traduire le silence, la tristesse, le recueillement de toutes ces personnes silencieuses, tristes, recueillies. Une minute pourtant, c'est pas si long, on reporte toujours les instants de vie, on les décale, on les corrompt. Les parents derrière les œilletons des caméscopes, des téléphones portables, filment leurs enfants en train de présenter leur spectacle de fin d'année. On garde l'émotion pour plus tard, on range les sentiments, on se dit qu'on vivra plus tard un autre jour, quand les enfants auront grandi et qu'il ne sera plus l'heure d'admirer leur innocence. On procrastine sa vie. Le chroniqueur est soucieux, il rêverait d'une page blanche radiophonique. Il voudrait choisir le silence, appuyer sur la touche pause. Ce que Michel Sapin aurait pu tenter au lieu de critiquer les autorités belges quelques heures après les explosions. Incroyable arrogance française dont les Belges se moquent si souvent, condescendance inouïe d'un responsable politique qui, malgré les différents attentats parisiens, ne renonce jamais à donner des leçons à la terre entière. Le chroniqueur se dit qu'effectivement, il vaudrait mieux se réfugier dans le silence ou dans la poésie qui peut être sa traduction orale. Celle de Raymond Devos, français, né en Belgique, auteur d'un texte qui dit avec modestie nos limites et notre désir sans limite de consolation. Je hais les qui sont des murs, je hais les mûriers qui font la haie le long des murs, je hais les qui sont de haut, je hais les qu'elles soient de murs, qu'elles soient de haut. Je hais les murs, qu'ils soient en dur, qu'ils soient en mou. Je hais les haies qui nous emmurent, je hais les murs qui sont en nous. François Morel, accompagné par Antoine Salaire au clavier, ici dans le studio du 7-9 de France Inter.